entre-temps, c'est à vous en direct. L'association Ralentir pour vivre sur Radio Gémozo, de midi à 13h, un mardi tous les 15 jours, nous sommes à votre écoute pour parler ensemble du syndrome d'épuisement. Bonjour chères auditrices et auditeurs, nous revoici ce mardi ensemble de midi à 13h sur Radio Gémozo. Alors en premier lieu, j'aimerais dire ce que je ne dis pas d'habitude, mais vous pouvez intervenir. Il est certain que si vous interveniez, nous serions ravis, même anonymement, soit sur notre page Facebook Ralentir pour vivre à Beauce, soit sur la page Facebook de Radio Gémozo, ou alors en direct au téléphone au 03 29 62 40 40. Voilà une première introduction. Bonjour Lia. Bonjour Catherine. Comment ça va? Je vais très bien aujourd'hui, merci beaucoup. C'est gentil, merci. Alors ça fait plaisir, moi aussi. Voilà, alors on avait parlé du sujet la dernière fois, du burn-out dans un domaine dont on ne soupçonnait pas la gravité, entre autres chez les RH. Et oui, tout à fait. C'était vraiment, et ça nous avait un petit peu impressionnés. Un petit peu impressionnés, oui. Oui, parce que malgré tout, les statistiques étant ce qu'elles sont, en 2024, 95% estiment leur travail accablant. Et oui. Voilà, et c'est quand même un phénomène parce que ces personnes sont dans tous les métiers, hormis le fait qu'on avait pointé sur trois domaines essentiels dans l'épuisement, qui est l'épuisement des agriculteurs, l'épuisement des internes en médecine et des médecins et l'épuisement de l'éducation. Oui. Maintenant, on a cette partie de métier qui est entre le marteau et l'enclume et qui souffre énormément. Donc aussi, le fait que dorénavant, je m'efforcerai, puisqu'on s'efforce toujours et on ne réussit pas toujours, je m'efforcerai de parler de l'épuisement et non pas de ce mot anglais qui, quelque part, ne veut rien dire, est un peu une boîte de fourre-tout. Hein. Mm-hmm. Mais l'épuisement est quand même quelque chose de pratico-pratique et qui est, comme on en parlait, essentiellement physique, quand bien même psychologiquement, il peut y avoir des raisons qui nous ont poussés à être physiquement épuisés. Tout à fait. Voilà, ça c'est le premier point. Et j'aimerais qu'on développe cette émission et l'émission suivante, un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qu'on reprendra le deuxième semestre de 2025, qui est le fait que l'épuisement n'a jamais été considéré comme une maladie professionnelle. Et ça, c'est un point qui m'est venu tout d'un coup à la tête en me disant « Oui, effectivement, c'est peut-être là qu'il y a le vrai problème. » Le vrai problème, pourquoi? Et on va le développer durant cette émission, parce que les entreprises ne sont pas rendues responsables. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons une personne dans les studios. C'est anecdotique, hein, parce que, en fait, Manon... Bonjour Manon. Bonjour à vous. Voilà. Est ici parce qu'elle est en woofing, elle est comme woofeuse à l'association Ralentir pour vivre et qu'elle ne fut pas notre surprise quand elle nous expliqua quel était son métier auparavant et quel était son tournant de vie actuel. Manon, je te laisse te présenter. Oui, en effet. Alors, j'ai beaucoup travaillé du coup dans les bureaux. Et j'ai eu une expérience assez importante en ressources humaines. J'ai été diplômée en 2021 de sophrologie. Donc effectivement, les ressources humaines, c'est un endroit un peu particulier où on est effectivement, le terme est juste, pris entre le marteau et l'enclume. Moi, je souhaitais vraiment apporter ce nouveau PEPS en RH avec de la sophro, tant pour les RH que pour les salariés. Alors c'est plus difficile à faire qu'à dire. Et du coup, voilà, là, je suis partie de cette entreprise pour retourner à mes premiers amours, à la sophrologie. Et j'essaye d'intervenir toujours auprès de professionnels particuliers, enfants et dans des entreprises. Voilà. Et notamment dans une très belle association à Rouen qui s'appelle les Cafés de l'Emploi, où en fait on essaye de mettre en relation des entreprises qui cherchent du monde avec des candidats potentiels. Et du coup j'interviens en sophrologie pour proposer quelques respirations avant ou après un entretien. Donc c'est une expérience et vraiment c'est anecdotique parce qu'on ne s'attendait pas à avoir Manon chez nous cette semaine. Ça s'appelle la loi de l'attraction. Alors je ne sais pas si tu voulais lui poser la question, mais pourquoi ça n'a pas fonctionné? Alors ça n'a pas fonctionné parce que moi en tant que RH, c'est vrai que c'était difficile d'intervenir auprès des salariés en sophro parce que j'ai la casquette RH. Donc je comprends la position de l'entreprise. Et puis en fait, pour mes collègues, on est tellement pris dans le flow de la routine, des habitudes. C'est pas facile de trouver des moments de pause. Et pour autant, je pense que c'est super important parce que des fois, ne serait-ce que une minute ou deux de lâcher prise en respiration, bah, ça permet de faire le point, de se recentrer. Et finalement, en fait, on est plus productif. Mmh. Mais c'est pas encore, je pense, dans la culture. Nous allons faire une petite pause musicale pour reprendre le sujet. Le monde est beau, mais il tourne à l'envers. Des enfants dorment dehors pendant que d'autres mangent à perdre. Y a des bombes qui tombent pendant que l'or monte. Des vies qu'on efface comme si c'était des contes. Les riches s'engraissent, les pauvres espèrent. Et les politiciens nous parlent de paix en semant la guerre. On veut changer les choses, mais on est pris dans le jeu. Le monde est un théâtre, chacun joue pour soi peu peu. Le monde est fou, il court dans le noir. Il a perdu l'amour, il a peur d'y croire. Mais tant qu'on respire, tant qu'on se tend la main, y'a peut-être une lumière au bout du chemin. On vit connecté et on s'ignore dans la rue. Chacun dans sa bulle, chacun sa lutte, sa vue. On parle d'humanité, mais on oublie l'humain. La planète crie et nous on ferme les mains. Y'a des cris qu'on n'entend pas, des larmes sans écho. Des peuples sans voix, des enfants sans mots. Mais malgré la douleur, l'espoir persiste. Car même dans le chaos, une fleur résiste. Le monde est fou, il court dans le noir. Il a perdu l'amour, il a peur d'y croire. Mais tant qu'on respire, tant qu'on se tend la main, y'a peut-être une lumière au bout du chemin. On fait la guerre pour la paix pour le pouvoir. On construit des murs au lieu d'ouvrir des couloirs. La vérité dérange, alors on lui met des chaînes. On préfère le silence au son de la peine. Le monde est malade, mais personne veut guérir. On vend des rêves toxiques, on achète pour fuir. On détruit les forêts, les cœurs et les valeurs. Mais on s'étonne qu'il ne reste que douleur et peur. Mais dans l'ombre, il y a des cœurs qui brillent sans faire de bruit. Des âmes qui pardonnent, des sourires dans la nuit. Il y a des mains tendues quand tout semble perdu. Il y a des âmes courageuses, même les poings nus. Les vrais héros n'ont pas de cap ni de gloire. Ils marchent dans la boue, mais regardent vers l'espoir. Ils croient encore en demain, malgré les douleurs. Ils sèment des graines d'amour, même dans la peur. Et si le monde tombe, on le relèvera ensemble. Si les cœurs se brisent, on recollera les cendres. L'humanité, c'est pas une idée morte. C'est une flamme fragile qui frappe à notre porte. Le monde est fou, mais il peut guérir. Si chacun y met un peu de son avenir. Tant qu'on respire, tant qu'on tend la main, on peut rallumer la lumière dans le matin. Oui, le monde est fou, mais l'amour, lui, ne meurt pas. Le monde est fou, mais l'amour, lui, ne meurt pas. Voilà, chères auditrices et auditeurs, nous voici partis dans un sujet qui me paraît essentiel. Voilà, bien que ce soit maintenant un sujet à la mode, hein, ou de m'en médiatiser, hein, on va dire ça comme ça, si on parle du burn-out, là, c'est le truc médiatisé. Mais en fait, c'est un syndrome qui est très ancien, beaucoup plus qu'on ne peut l'imaginer. Malgré, alors là, on est dans le fond du sujet, malgré son absence d'inclusion dans le monde manuel diagnostique anglo-saxon des affections mentales de le DSM-5. Et donc, il semble que dans la future version internationale équivalente, la CIM-11, il parle vraiment un petit peu différemment. On en avait parlé, je crois, il y a 2 ou 3 émissions en arrière, de l'OMS qui a un petit peu évolué à ce niveau-là et qui décrit un syndrome résultant d'un stress chronique au travail qui n'a pas été géré avec succès. Et donc là, on est vraiment dans le cœur du sujet. Dans le cœur du sujet parce qu'il n'est pas reconnu comme maladie professionnelle et que ça ne concerne pas les entreprises. Puisqu'actuellement, on en parle, Seulement, on en parle uniquement parce que ça concerne l'individu. Oui, c'est ça, c'est individuel. Ouais. Voilà. Et donc, dans ces caractéristiques qui donnent comme élément factuel un sentiment d'épuisement émotionnel, je me sens vidé de ma substance, le cynisme ou un sentiment de négativité lié aux autres et au travail, et à son travail, le sentiment de non-accomplissement personnel et d'efficacité professionnelle réduite. Donc, ils mettent ça, en fait, tout autour de l'individu. Or, ce que j'aimerais qu'on développe, c'est un livre qui a été écrit par Ayala Pines. Je recommence, Ayala Pines. Ça s'écrit d'une manière un peu particulière, A-Y-A-L-A, Ayala Pines, oui, voilà. Et donc, cette femme a écrit en 1984. Ah oui, d'accord, ok. D'accord. Se vider dans la vie et au travail. D'accord. Et donc là, elle a commencé à parler du problème comme étant un problème pas exclusivement de l'individu. Elle l'a vraiment décroché de l'individu. Elle a dit, ça concerne les personnes qui ont des postulats ou des missions ou des vocations. Parce que là, elle parlait même de burn-out des prêtres. Ok. Ou des gens, ben, médecins, ou dans le social, ou dans la santé, qui ont effectivement une grande implication dans leur métier. Oui, un surinvestissement. Un surinvestissement. Comme dans l'associatif. Voilà, comme dans l'associatif. Et à cette époque, elle disait, mais c'est quand même bizarre qu'on ait un problème et qu'on dise à ces gens-là, vous devez en faire moins, alors qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire une société où les gens ne vont plus être investis. Ben oui. Pourquoi? Parce qu'on doit en faire un minimum pour gagner sa vie, mais surtout pas trop, sinon on a un burn-out. C'est-à-dire, ne t'investis pas trop dans ton travail, sinon tu vas te faire bouffer, si je résume un peu. C'est un petit peu de la théorie, ça. Oui, c'est un peu de la théorie. Et donc, à ce niveau-là, elle a bien expliqué qu'il fallait prendre ça avec recul et voir les choses différemment. Pourquoi est-ce que la société actuelle vidait les gens de leur substance dans leur travail? Et c'est évident. Il les vide parce que financièrement, on exploite. C'est une sorte d'esclavage moderne. Et donc, l'épuisement serait une sorte d'esclavage du 21e siècle, contrairement à l'épuisement des pharaons qui faisaient porter des tonnes de pierres à leur personne pour monter des pyramides. Mais là, maintenant, c'est dans le cerveau qu'on nous fait porter des tonnes de pierres. Donc, on a changé, mais est-on prêt à sortir de cet esclavage? Alors, la grande question, pourquoi est-ce que ça n'est pas défini comme une maladie professionnelle? Parce que c'est indéfinissable. Puisque on en revient à notre fameux cortisol, trop grosse consommation de cortisol fait que nos hormones déglinguent et que chaque corps humain va réagir d'une manière différente. Donc, c'est compliqué. Comment le définir? Comment lui donner une forme? Et puis après, c'est certain qu'on sait que c'est une surcharge de travail. Maintenant, il faut quand même reprendre la fin de la définition de l'OMS qui est quand même, qui n'a pas été jurée avec succès. Oui. Et il y a un point final à tout ça, c'est avant tout un manque de reconnaissance. C'est-à-dire que ce que fait la personne, c'est jamais assez ou c'est jamais bien. Oui, vas-y Manon. À mon sens, on devrait prendre conscience, enfin, c'est comme ça que j'espère que ça se déroulera avec l'avenir, parce que ces cas-là se multiplient. On devrait prendre conscience que c'est collectivement qu'on va arranger les choses et que si les salariés sont heureux, c'est le bonheur de l'entreprise. Et si l'entreprise se sent bien, elle aura des salariés heureux qui vont faire de la bonne pub pour sa boîte. Et, enfin, voilà, tout le monde a tout à y gagner. Je pense que c'est vraiment une prise de conscience qui doit être faite de façon collective pour vraiment s'élever, en fait. Une prise de conscience aussi au niveau de la surcharge de travail, parce qu'on ne va quand même pas cacher ça sous le tapis. Il y a un problème. J'ai vécu, moi, dans des... Il y a 20 ans, j'ai fait un burn-out, mais de 700 informaticiens, on est arrivé à 70. On devait logiquement faire le même travail. Il y a un os dans le pâté, il y a, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas, là, il y a un truc qui, où je suis bête. Oui. Parce que je peux être bête, hein. Mais comment ils justifient ça, surtout, quoi? Eh ben, c'est pas rentable d'être tant de monde, il faut être moins de monde parce que sinon ça coûte trop cher. Ils veulent le travail, mais ils veulent pas le rémunérer, en gros. Donc il y a cette surcharge de travail qui, à mon sens, est la première flèche lancée qui fait que ça bascule. Oui, et peut-être qu'en fait, sur ceux qui restent, ils vont absorber tellement de travail qu'ils vont être mal, donc ça va créer moins de productivité, plus d'arrêt maladie, des souffrances, des douleurs, hein, des TMS, on n'en parle pas beaucoup, les troubles musculo-squelettiques, où en fait, tellement on est, effectivement, avec du cortisol, etc., on ne se sent pas très bien. Mm. Enfin voilà, ça va entraîner beaucoup de problèmes, donc à mon sens, ce n'est pas une vraie rentabilité. Ah bah, ça, je suis d'accord, ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Voilà, c'est dommage. Peut-être plus de monde et du coup, tout le monde se sent bien et là, on regagne du peps sur tous les plans. C'est ça. Là, c'est difficile. Donc, le burn-out est quelque chose de compliqué. Mais on y est confronté même plus que de façon proche, en fait, à cette histoire parce que on ne veut pas embaucher parce que ça coûte de l'argent. Alors que, voilà, on veut faire reporter ça sur les épaules de la personne qui s'occupe seule et qu'on l'on voit en détresse. Mais voilà, ça coûte de l'argent d'embaucher quelqu'un d'autre. Donc, Mais ça coûtera encore plus d'argent. Si elle est en arrêt maladie, ça coûtera encore plus d'argent. Pourquoi ? Parce qu'il n'y aura pas le taf qui va être fait, donc ça va couler l'histoire. Ben donc, oui, ça ne coûtera plus rien quand il n'y aura plus personne. Non, mais à un moment donné, tu vois, c'est quand même une question qu'il faut prendre du recul pour regarder ça. Et puis, quand même être conscient qu'on ne peut pas demander plus et plus à quelqu'un. C'est vrai que la prise de conscience, il va falloir quand même qu'elle se fasse, quoi. Oui. Comment peut-on agir pour qu'on puisse enfin prendre conscience de ça, de ce mal-être et de dégager ça de l'individu, de dire non, c'est pas toi qui t'es mal organisé, c'est simplement que voilà, toute la charge de travail que l'on te fait peser sur le dos et toute la pression que ça engendre te rend malade. Parce que c'est une maladie, hein. Il faut pas se... C'est ça, Et une prise de conscience est importante, et surtout importante parce que à un moment donné, on ne peut pas uniquement dire « Ah ouais, il est en burn-out », d'un air de dire « C'est quoi ce truc-là » mm-hmm. On ne peut pas uniquement culpabiliser la personne, ça n'avance à rien. Ou même dire simplement « Ok, elle est en burn-out, point ». Oui, non, mais ça n'avance à rien non plus. Enfin, j'entends. Le phénomène actuel dans la société, on ne va même pas en rester à la vie professionnelle, on va ouvrir un peu dans la société. Cet épuisement, je vois par exemple, je vais dire ma fille, parce que c'est bon, je ne pense pas qu'elle écoute l'émission, donc elle ne va pas m'en vouloir. Ma fille, quand je l'appelle, « Ah, mais attends, maman, je n'ai pas le temps. Voilà, non, tu vois, je suis vite là, entre deux, machin, bon, d'accord, ma recharge n'est pas faite. » Enfin bref, toujours cette espèce de pression qu'on a, même dans le quotidien, même dans les distractions, de la pression. Oui. Elle me racontait que quand ils partent en vacances maintenant, moi je dis, mais c'est une pression phénoménale, elle réserve les visites de musées et tout, parce que sinon tu fais trop la queue et tu peux rien faire pendant tes vacances. Non mais tu te vois un peu la pression pour les vacances. Ça veut dire que tu es obligé, comme au taf, d'être à telle heure pour aller visiter tel truc, et t'as tant de temps. Purée, mais c'est plus des vacances, cette affaire-là. J'ai vu un reportage, un documentaire qui a été réalisé par une femme qui a fait le chemin de Compostelle, qui s'appelle Chemin de vie. Et à un moment donné, en fait, il l'évoque parce qu'elle interview des gens sur le chemin. Et il dit justement, en fait, là, je n'ai que à marcher. Je n'ai plus à prévoir, je n'ai plus à organiser. Et je peux me rencontrer mes sensations, mon corps, mon esprit, mes pensées. Et vraiment, c'était, ça transpirait beaucoup, hein. Toutes les personnes qu'elle a interviewées disent un petit peu la même chose que, voilà, dans ce monde, ça va beaucoup trop vite. On a le temps de rien faire, on est enveloppé dans cette immédiateté qui nous presse en plus, parce qu'on est dans une société d'immédiateté, on le voit même sur les réseaux où quand on scrolle, on regarde des vidéos par exemple, les vidéos elles sont de plus en plus courtes mais t'as de plus en plus d'informations à l'intérieur et en plus t'es sollicité auditivement, visuellement, parce que tu dois lire, regarder la vidéo, écouter, comprendre le message subliminal, il y a de la musique derrière et voilà, je pense que c'est un pur reflet de société. Oui. Les réseaux ils sont en pleine évolution et je crois que ça représente exactement c'est ça. Ce que les gens vivent en fait. C'est une pression sans cesse. C'est-à-dire que c'est sans arrêt, on est dans la cocotte minute. Mm-hmm. Je le vois à travers aussi les woofers qui viennent à Ralentir pour Vivre, où c'est quand même, on va dire, une autre manière de fonctionner, qui disent « mais je peux aller faire ça ». Mais bien sûr, tu peux aller faire ça, c'est bon, on va t'attendre 30 secondes, hein, je vais pas, c'est bon. Ou bien, c'est possible que je fasse, ben oui, c'est possible, tu peux, vas-y, c'est bon, on va pas se suicider. Mais non, mais moi j'observe, et donc quand je vois ça, je me dis, ben il y a un problème qui est de société, et on en revient à cette pathologie de société. Donc on arrête de dire que l'individu a un problème, qu'on le transforme en maladie professionnelle serait un autre sujet. Mmh. Parce que ça impliquerait les entreprises qui, je le disais hein, il y a peut-être quelques mois en arrière, c'est comme l'histoire du casque qui n'était pas obligatoire sur les échafaudages. Quand ça a été traduit en maladie professionnelle, vu qu'à chaque fois qu'ils avaient un accident, ils augmentaient de pourcentage dans leur assurance, ben, ils ont fait mettre des casques à tout le monde. Hein. Mais... Bon, voilà. Eh bien, c'est la même chose. Si, dans une entreprise, il y avait 4 ou 5 burn-out et que leur taux d'assurance monte de 50%, je peux te dire qu'ils feraient des efforts pour qu'ils redescendent leur malus. Hein. Donc, il y aurait quand même du répondant. Mais actuellement, il n'y a aucun répondant. Bonjour, c'est l'individu, coup de marteau, pauvre, c'est ta faute. C'est ça. Mais c'est un petit peu même triste d'entendre ça, que la réforme passe par justement une espèce de punition financière pour les entreprises, alors qu'au final, ça serait tellement plus beau que ce soit d'humain à humain, qu'on puisse comprendre, construire ensemble pour s'alléger les uns les autres. Mais non, c'est la monnaie qui dirige le monde. Quand j'étais en fac de sociologie, j'avais un prof qui disait combien on est dans en psychologie politique et sociale. On est dans l'ère de combien ça coûte, combien ça rapporte, mais dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que, par exemple, les gens, quand ils vont voter, OK, je vais voter, mais est-ce que ça va me rapporter quelque chose ? Bon, je vais voter pour ça, mais en fait, j'en ai rien à faire, ça va rien m'apporter, ça va rien changer. Combien ça me coûte ? Me lever le matin à 8 heures pour aller voter ? Oh, bon, alors, combien ça coûte plus cher que combien ça rapporte, donc je ne le fais pas. Donc, combien ça coûte, combien ça rapporte ? Donc, dans les entreprises, c'est combien ça coûte, combien ça rapporte. C'est tout. On va arrêter. Je suis un petit peu restrictive voilà, c'est un petit peu la meurtrière, tu sais. Je regarde ça entre vraiment une toute petite fenêtre comme ça, mais c'est ça. Mais c'est la réalité. On en est là. C'est juste dommage. On en est vraiment là. Et donc, le burn-out est quelque chose de très compliqué. Oui, et je pense aussi qu'on... Il y a un peu cette idée de société, comme tu disais, où les intérêts de l'un sont... parfois, je grossis le trait, à l'encontre des intérêts de l'autre. Alors que c'est pas vrai. Non. Il y a vraiment... je pense au livre de Marshall Rosenberg. Je suis pas une spécialiste, mais j'ai adoré ce livre. Les mots sont des fenêtres. Et effectivement, en fait, il partait du principe où on a deux individus ou entreprises individus ont des intérêts. Mais en fait, les trois quarts du temps, si on prend le temps de se poser, de réfléchir, on a le même intérêt et on peut aller ensemble tendre vers cet intérêt commun... Et se sentir bien et créer une harmonie, en fait, plutôt que chacun défendre son bout de gras. Non, il n'y a pas d'intérêt et ça fait mal à l'un, puis mal à l'autre. Non. Oui, mais il faudrait qu'on passe du langage chacal, pour reprendre Rosenberg, au langage girafe. Et nous n'en sommes pas là. On va écouter le compliqué expliqué par un médecin du burn-out. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Pour pouvoir être reconnu, il faut, en l'absence de tableau, aller déposer un dossier auprès des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Là, un médecin conseil de la Sécurité sociale va instruire le dossier à la condition de satisfaire à deux conditions. Le médecin conseil donc va vérifier deux conditions. La première condition, c'est est-ce que la pathologie psychique évoquée par la victime putative est en lien direct avec, et essentiel avec le travail. La seconde condition, est-ce que cette pathologie psychique, étant donné qu'elle est en lien direct et essentiel avec le travail, est-ce que cette pathologie génère un taux d'incapacité professionnelle permanente d'au moins 25%? Auditrices et auditeurs, donc on se trouve dans un problème vraiment important. Et donc, c'est difficile de le reconnaître et c'est difficile pour l'OMS de mettre quelque chose. Pourquoi ? Parce que, à mon sens, mais c'est une vision tout à fait personnelle, il y a les lobbies. Donc, c'est vrai que personne n'a intérêt à ce que ça devienne une maladie professionnelle parce que techniquement, ça coûte très cher. Enfin, je sais pas, je suis pas dans le domaine des RH pour savoir ce que ça coûte vraiment, mais les assurances de maladies professionnelles fonctionnent bien avec un pourcentage en fonction des cas dans l'entreprise. Alors, moi, je suis pas spécialiste là-dedans. Et en fait, le burn-out, le problème, c'est que quand on est au RH, on a quelqu'un en arrêt, on ne sait pas pourquoi il est en arrêt. D'accord. Donc, c'est en fait à chaque personne un peu de lever la main en amont, ce qui n'est pas évident. Et c'est là où on disait tout à l'heure, hein, quand on est RH, quand on est pris entre le marteau et l'enclume, c'est exactement ça. On a quelqu'un qui n'est pas bien, on a envie d'aider, on le voit en souffrance. Pour autant, on n'a pas forcément les moyens, que ce soit financier, temps, humain, pour remonter tout le temps l'info et apporter une solution, en fait. Et c'est ça qui est des fois douloureux. Mais on ne peut pas forcément savoir... D'accord. Si... Dans ce cas-là, moi, ma question était un petit peu décasée, dans le sens... quand une entreprise a une maladie professionnelle, mais pas burn-out, hein, autre chose, maladie professionnelle, ça influe sur ses propres assurances. J'imagine. Honnêtement, je ne suis pas... Bah voilà. Ouais. Mais bon, c'était ma vision. C'est ce que je pense. Mais dans tous les cas, c'est sûr que si c'était reconnu, ça serait... responsabilisant pour dire je mets des moyens en place et pas juste... Alors maintenant, il y a quand même les lois qui évoluent avec la qualité de vie au travail. On voit qu'il y a certaines démarches qui sont faites, mais ça, parfois, dans certaines entreprises, ça peut être fait en mode « bon, bah, voilà, je t'ai donné quelque chose à toi, salarié, sois content et dis-moi merci ». Non, il faut vraiment que ça vienne du cœur. Pour moi, le mode, ça doit être « ok, je veux vraiment que tu te sentes bien parce que c'est vraiment mon intérêt que tu sois heureux. » Et c'est là où il faut doser. Et c'est du travail à faire en amont. Ça ne sert à rien d'attendre que les gens soient épuisés ou en burn-out ou tristes ou ne serait-ce que, encore une fois, pour l'entreprise qui parle mal de leur boîte, en dehors, mais dans leur sphère privée. Mauvaise publicité, quoi. Mmh. Est-ce que la médecine du travail, par exemple, quand on est en entretien avec eux, font attention à cet état psychologique, essayent de pointer un petit peu ce... Alors, oui, ce point. À l'heure actuelle, il y a même le médecin généraliste, on va avoir, je pense, une audio qui passera ce sujet. Le médecin généraliste a le droit de parler d'épuisement professionnel sans connaître les causes dans l'entreprise pour ne pas avoir à être pris dans le fait qu'il soit partie prenante. Mmh. Il n'est pas partie prenante. Par contre, il peut reconnaître qu'un individu est en épuisement. Ça, il peut le reconnaître. Ensuite, il y a un terme qui est employé qui est « souffrance au travail ». Qui est reconnue là, ah oui. Souffrance au travail. Maintenant, c'est empoigné avec des pincettes parce que justement, il faut pas voir ça comme anodin pour le médecin, parce que le médecin peut être attaqué. Il peut être attaqué pour avoir rédigé une explication qui n'a pas de sens dans le sens qu'il ne connaît pas le contexte du travail. Donc il peut dire on peut l'attaquer là-dessus en disant mais écoutez non, je vous avais dit que c'était le travail mais en final c'est la vie privée de la personne qui fait qu'elle est dans cet état. D'accord. Donc il est un peu le cul entre deux chaises. Mais qui l'attaque? Le droit du travail professionnel, donc je sais pas, je pense que ça pourrait être l'employeur. Ah ouais. Je pense. Oui, je pense que l'employeur pourrait réagir. Mmh. Oui, c'est là où c'est un petit peu compliqué, on va dire. C'est un peu compliqué pour les médecins. Mmh. Donc là, ils ne peuvent pas être aussi clairs, or que quelquefois, ils savent que c'est ça. Alors, dans tous les cas, de mon point de vue, je pense que c'est toujours mieux. Voilà, faut savoir que la médecine au travail, elle est là lors de l'embauche, à certains moments, pour... des rendez-vous obligatoires. Elle est aussi là, les salariés peuvent lever la main de façon discrète sans que l'employeur le sache en disant « moi je vais aller voir la médecine du travail ». Ça c'est fait un peu pour protéger aussi les salariés. Il faut s'en servir, je pense, quand on ne se sent pas bien, ne serait-ce que de pouvoir le poser, le verbaliser, prendre du recul. Et puis le médecin est forcément habitué à ce genre de choses et pourra proposer quelque chose. Vérifier l'état aussi, est-ce que vous dormez bien, etc. Oui. Ils ont quand même un protocole qui est, j'imagine, fait pour ça. Et dans tous les cas, encore une fois, le verbaliser, il faut se servir de ça. Et cette loi-là, où le salarié peut lever la main sans que l'employeur le sache, à mon sens, elle est quand même très bien. Je trouve que c'est un peu bizarre de faire ça en discrétion, hein, parce que du coup, ça démontre bien que ça dérange. Oui. En fait, c'est là où le chat a mal à la patte. En gros, c'est ça. Le problème, c'est qu'on ne veut pas parler réellement du vrai problème. C'est que les entreprises ne veulent pas payer les pots cassés. On ne va pas aller plus loin. Le vrai problème, il est là. Parce que si les entreprises acceptaient d'assumer leur surcharge qu'ils ont donnée à quelqu'un, ou le mobbing qui a été fait, ou la façon de traiter la maltraitance qui a été faite par rapport à l'employé, parce qu'attention, il peut y avoir des maltraitances qui sont très ambiguës. Il y a des entreprises où il y a des maltraitances qui sont sous le couvert de bienveillance. Oui, ça existe. Ça existe. Malheureusement, oui, non, mais il y a toutes sortes. Hein. Il y a pas, il y a la charge de travail, il y a la façon dont c'est dit, la façon dont c'est fait. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et c'est là aussi, encore une fois, où un médecin qui est de l'extérieur, il peut dire bon bah, ok, là c'est de la charge de travail, tu peux gérer comme ça. Ou là, attention, ça part un peu loin. Faites-vous aider. Faut le verbaliser autrement et à d'autres personnes. Voilà, il y a plein de choses. Mmh. Mais je pense honnêtement aussi que c'est vraiment. Enfin, j'imagine. Alors c'est peut-être naïf, mais si un consultant arrivait en disant bah voilà, vous avez tant d'arrêts maladie, vous avez passé tant de temps à recruter quelqu'un. Voilà, la RH qui a recruté à vous coûte tant à l'heure. Vous avez perdu tant d'euros. Bah en fait, peut-être qu'il paierait. Et voilà, pas juste un baby-foot pour dire regardez. Ça c'est sûr. Non, vraiment payer quelque chose. Alors bon, moi forcément, je suis amoureuse de la sophro, donc j'ai tendance à partir là-dessus. Mais vraiment, en fait, ça peut apporter de l'apaisement, ça apporte du recul en fait aussi de faire de la sophrologie régulièrement, et ça permet aussi à l'individu de poser peut-être aussi ses limites de façon différente, et à l'entreprise peut-être même les RH ou les grands dirigeants qui fassent de la sophro aussi pour dire bah je prends du recul sur ce que je dis, comment je le dis. Quel est mon but, en fait ? Oui, maintenant, on fait un dialogue, là. Hein, donc, je vais faire l'avocat du diable. l'avocat du diable, je vais te dire, oui, OK, Manon, j'entends bien ce que tu dis. Maintenant, c'est un pansement sur une jambe de bois. Pourquoi ? Parce que à un moment donné, si on ne crève pas l'abcès qui est au fond, qui est l'employé a eu une surcharge, alors tu peux bien lui donner des outils pour supporter la surcharge. Moi, je vais te donner un exemple. Quelqu'un part avec sur son dos 150 kilos. Tu peux lui donner je sais pas comment on appelle ça, mais chez moi on appelle ça un diable, c'est-à-dire un espèce de truc à roulette pour porter. Ouais. D'accord? Mais il va quand même être encore super crevé. 150 kilos, il va les pousser comme ça. Donc, à un moment donné, il faut aller au fond du problème. C'est que le fond du problème... Je dis ça parce que je vais rebondir sur ce que tu as dit. Il y a 20 ans, dans la multinationale dans laquelle j'étais, nous avions des open space où on était, on va dire, il y avait 7 open space où on était à peu près une dizaine ou une vingtaine de personnes. Puis après, il y avait d'autres places. Et il y avait des pièces de conférence, j'allais dire conférence room, enfin bref, entre deux, taf et tout. Et donc là-dedans, il y avait quelqu'un qui venait nous faire des massages du dos, du yoga sur chaise, enfin des petits trucs, des machins, des petits massages, des trucs. Ça n'a pas empêché des collègues à moi de se suicider. Oui, on va aller jusqu'au bout, là. Je vois ce que tu veux dire. Alors, bien sûr, oui, la sophro, faut que ça soit... Enfin, exactement, faut pas que ce soit un pansement sur une jambe de bois. Je suis complètement d'accord. Il y a effectivement ce qu'on disait tout à l'heure. La surcharge de travail, bah, effectivement, s'il y a une équipe de 50 et qu'on réduit de moitié, bah, c'est les 25 qui restent qui vont faire tout le travail. Ça, c'est pas OK, en fait. Il y a forcément un souci là-dessus. Et c'est là où je disais, bah, effectivement, le consultant... qui peut dire, bah voilà, vous avez perdu tant d'euros avec les arrêts maladie, les recrutements, etc. Oui. Peut-être que vous étiez mieux à garder une dizaine de personnes en plus en temps plein, qui ont un salaire fixe, vous savez à quoi vous en tenir financièrement, et du coup, vous n'allez pas payer les remplacements, le temps, le recrutement. Voilà. Oui, parce que on connaît. Alors, j'ai pris référence du site de l'INRS. Facteur de risque, je vous lis ça. L'épuisement professionnel étant une conséquence du stress au travail, les facteurs de risque identifiés sont globalement ceux relatifs aux risques psychosociaux comme, deux points à la ligne, la surcharge de travail et la pression temporelle demande psychologique. Donc on sait. Moi c'est ça qui m'abasourdit, c'est qu'on sait le problème, mais on fait comme si on le voyait pas. Le manque de soutien social. Donc ça, on l'a vu dans l'éducation avec la lettre de Christine Renon qui s'est suicidée, où elle marque on n'a aucun soutien et tout, c'est quelque chose de phénoménal. Le manque d'équité au travail, eh bien oui, parce que il y en a qui vont avoir triple, et il y en a d'autres qui vont avoir moins. L'insécurité de la situation de travail, c'est-à-dire que je fais mon job parce qu'il y a 15 personnes qui attendent dehors ma place. Attention. Donc ça, ce sont des faits. Après, on peut dire, oui, on va vous mettre de la musique sympathique, vous faire de la sophro. Tout ça, j'entends bien. Mais commençons déjà à enlever le problème. Oui, complètement. C'est ça un petit peu le problème, justement. C'est qu'ils proposent beaucoup d'alternatives. On voit des formations pour gérer son stress au travail, etc. Il y en a eu plein, des choses comme ça. Au final, c'est peut-être une réponse que eux essayent de donner sans vouloir, justement, consciemment prendre conscience du problème de fond, quoi. C'est ça. Merci beaucoup, Lia. Sur ton chemin, la main oubliée, les galets, toi de l'or, la main coulée, venez vers. Voilà, chères auditrices et auditeurs, après cette pause musicale. C'était endiablé. Ah oui. Ça illustrait parfaitement le dernier propos qui est qu'à un moment donné, tu te sens, tu te sens revivre. C'est ça. Et puis, tu donnes tout, ça donne ça. Puis, Un petit fond. Après, là, tu chantes, c'est la chorale. Chemin, avec le petit violon. Ben oui. Voilà. Donc, on aura compris que le grand problème, c'est la reconnaissance en maladie professionnelle. Mais avant ça, avant cette reconnaissance en maladie professionnelle, il y a déjà un premier problème, c'est l'arrêt de travail de la personne. Oui. Il y a beaucoup de problèmes pour se mettre en arrêt de travail. C'est rare que les gens veulent. Les témoignages qu'on a recueillis à 80% disent « Il m'a dit qu'il fallait que je m'arrête 6 mois et au début j'ai dit non, une semaine, dans une semaine j'y retourne. La semaine suivante j'ai compris que oui, 6 mois m'étaient nécessaires. Oui. » Il y a beaucoup de difficultés avec ça. Et donc ce pourquoi c'est important de faire de l'information, de la sensibilisation qui induit une certaine prévention. Pourquoi ? Parce que, comme je le dis toujours, dans le continuum de gris clair à gris foncé, on peut, si on sait reconnaître les symptômes, si on sait reconnaître ce qui se passe, s'arrêter dans le gris moyennement gris. Oui. Oui, pas oui. Foncé. Donc là, c'est possible en une semaine de rééquilibrer la charge ou en 15 jours ou en 1 mois ou en 2 mois. Enfin, on peut rééquilibrer la charge et d'en parler et de discuter et de demander de l'aide. Ça, c'est possible. Oui. Mais si on va trop loin, c'est plus possible. Bah oui, c'est un vrai aménagement qu'il faut vraiment entrevoir, en fait. C'est ne pas rester dans sa condition de travail telle qu'elle. Non. On va se reposer une semaine, on revient. Non. De toute façon, tu l'avais déjà dit, hein, dans le cadre du burn-out, enfin de l'épuisement, si tu restes dans le même job, tu te mets en arrêt pendant 3 mois, tu reviens, déjà ton cerveau, il a un trauma. Donc, tu vas revenir sur le lieu de ton travail, tu vas pas te sentir bien. Et c'est pratiquement sûr et certain qu'en fait, tu vas y retourner. C'est on avait fait une conférence à Open Block. Oui. Il y a une dame qui est venue. Elle a dit, j'ai fait un premier épuisement. J'ai été en arrêt, je sais plus, pendant 6 mois. Je suis revenue. J'ai fait un blackout, quoi. Parce que voilà, après, si tu aménages, que tu es OK, que ton employeur te permet d'aménager ton temps d'une façon différente et que là, tu allies peut-être à la sophrologie ou à toutes ces méthodes-là. Voilà, exactement. Voilà, c'est la vraie réponse. Quoi. C'est ça, la vraie réponse, c'est déjà d'avoir un soutien de l'employeur. Quand tu vas vers lui, tu lui dis, écoute, c'est OK, j'aime mon job, mais là, voilà, j'ai des symptômes, ça, c'est plus possible. On va devoir aménager ça. Donc là, déjà, si tu as de l'écoute, ça va déjà aller mieux. Si tu as une reconnaissance qu'on peut te donner de l'aide ou je sais pas quoi, ça va déjà aussi aller mieux. Si en plus, tu allies le beau soleil de l'été avec un peu de sophro, avec un peu de yoga, un peu de balade, un peu de ci, ça va aussi s'améliorer. Et ce qui est dommage, c'est de ne pas prendre ça trop tôt, parce que c'est très tôt qu'il faut le prendre, parce que souvent, on aime son job. Ça, c'est dans le cadre des métiers passion. Et c'est un vrai processus. Plus tu attends, plus tu mettras longtemps à t'en remettre. C'est ça. Déjà, t'as l'impression que tu peux tirer sur la corde de façon indéfinie. On te le dit tout de suite, c'est pas possible, ça n'existe pas. Non. C'est non, tu vas à un moment donné t'effondrer, même si t'as l'impression qu'à un moment, il y a un nouveau mouvement qui... Voilà, un nouveau challenge, quelque chose de nouveau qui te donne envie de rebondir. Mais en fait, tu vas t'effondrer encore. Et c'est un vrai process. C'est déjà la prise de conscience de l'individu. C'est ça. Lui-même, avec lui-même, je suis en épuisement. La prise de conscience en même temps, en parallèle de l'employeur. OK, je t'avertis que il me paraît que tu te sens pas très bien. On parle pas là de rentabilité, tu fais pas bien ton job, de culpabilisation, de culpabilité, etc. Juste d'humain à humain. Tu te sens pas bien, je me sens pas bien. Qu'est-ce qu'on fait pour aménager les choses? Tu vas consulter, tu vas voir un professionnel, tu fais une de la sophrologie, une thérapie, tu te reposes, on aménage ton temps de travail et là, on pourra avoir une réponse positive. Et là, positive. On commence à discuter. Voilà. Ce pourquoi je trouve que c'est important justement de prévenir, d'en parler, parce qu'il y a des personnes qui peuvent éviter, on va dire, le pire. Ben c'est ça. Et c'est ça qui est important, parce que on prend pas en compte, mais toute la société est touchée. C'est la fameuse grenouille dans la casserole d'eau froide que tu mets sur le feu qui se sent pas cuire. On est tous concernés. Donc il faut trouver des solutions ou en tout cas des réponses. Un aménagement, des réponses pour pouvoir, parce qu'on va pas se retrouver tous en burn-out au fond de notre lit à pas pouvoir se lever. Mais alors, tu vois, la société dans laquelle on va se trouver, ça va pas être drôle. Hein. Alors, ça amène des dérives, hein, si on, c'est un peu dystopique, quoi, mais ça va amener des dérives, etc. C'est ça. Et on sait quand même qu'à la fin d'un épuisement, quand on arrive au bout, c'est le suicide, en fait. Oui, c'est ça. Et je trouve important de mettre le point sur ce sujet. Alors, je sais pas, chères auditrices et auditeurs, si tous les mardis, tous les 15 jours, vous dites, allez, revoilà là, ceux-là. Bon, peut-être. Mais on vous dit quand même qu'il y a des choses graves. Alors, peut-être qu'on rigole. Nous, on est assez détendus. C'est super l'ambiance au studio. Merci, Lia, responsable des programmes, qui est toujours enjouée et tout. Mais il y a quand même un facteur de gravité. Mais bien sûr. Parce que nos enfants, et je le redis, hein, ce que j'ai dit il y a un mois, je crois, il y a 15% des enfants scolarisés qui sont déjà en burn-out. Mais oui. On va écouter un petit, une petite explication de l'intérêt que ce soit une maladie professionnelle. Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo qui va porter sur la reconnaissance d'une situation de burn-out en maladie professionnelle. C'est parti. Alors d'abord, quel est l'intérêt de faire reconnaître une situation de burn-out en maladie professionnelle par rapport à un arrêt maladie classique ? Des avantages, il y en a plein. On peut citer quelques exemples. Par exemple, il y a une meilleure prise en charge des soins en cas de maladie professionnelle. Le montant des indemnités journalières est plus élevé. Et puis, on n'a aussi pas de délai de carence en cas de maladie professionnelle, alors qu'il y a un délai de carence pour l'arrêt maladie classique. Comment faire reconnaître une situation de burn-out en maladie professionnelle ? D'abord, la première condition, une condition générale, c'est d'être titulaire d'un contrat de travail, d'avoir conclu un contrat de travail. Le contrat de travail, la définition, c'est un lien de subordination, qui est défini par l'arrêt Société Générale de 1996. Ensuite, pour une prestation de travail, et ensuite une prestation de travail rémunérée. Voilà pour la condition générale. Ensuite, on a des conditions qui sont listées par l'article L461-1 du Code du travail qui évoque le cas des maladies professionnelles. Cet article, il distingue trois hypothèses qu'on va voir successivement. Ce qu'il faut comprendre avant, c'est que cet article, il fait référence à des tableaux qui figure en annexe 2 du Code de la Sécurité sociale. Concrètement, on a un tableau avec une première colonne qui va évoquer une maladie, une deuxième colonne qui va évoquer un délai de prise en charge et une troisième colonne qui va évoquer les travaux susceptibles de causer la maladie, les travaux à risque. Donc on a trois hypothèses. La première hypothèse, c'est l'hypothèse la plus simple. Le salarié va bénéficier d'une présomption d'imputabilité du caractère professionnel. La maladie va être présumée professionnelle. C'est lorsque toutes les conditions du tableau sont réunies. La maladie dont souffre le salarié est listée, le délai de prise en charge correspond au délai de prise en charge fixé par le tableau, et la troisième condition, les travaux à risque, sont satisfaits aussi. Là, pas de problème. Deuxième hypothèse, qui est un peu plus délicate, la maladie tout court est listée par le tableau, mais les autres conditions ne sont pas satisfaites. Dans ce cas-là, il va falloir rapporter la preuve, le salarié doit rapporter la preuve, que la maladie a été causée directement par son travail habituel, par le travail habituel de la victime, nous dit le Code de la Sécurité sociale. Donc pas de présomption d'imputabilité. Troisième hypothèse qui correspond à celle du burn-out et qui est beaucoup plus difficile, c'est qu'il va falloir rapporter la preuve d'abord, premièrement, que la maladie a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, première condition. Deuxième condition qui est vraiment très difficile à rapporter, c'est que cette maladie doit avoir entraîné soit le décès du salarié, soit une incapacité permanente, un taux d'IPP qui est supérieur à un taux fixé par décret. En fait, c'est un taux supérieur à 25%. C'est une condition qui est en pratique extrêmement difficile à rapporter. Et puis, pour ces deux dernières hypothèses en plus, il va falloir que le caractère professionnel de la maladie sera reconnu par la caisse après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a très fréquemment des propositions de loi, notamment des députés de la France Insoumise, qui souhaitent faire reconnaître la maladie, le burn-out en maladie professionnelle. Concrètement, ça reviendrait à mettre la maladie professionnelle à la lister dans le tableau et donc à créer une présomption d'imputabilité. Le salarié n'aurait pas à rapporter la preuve, ça serait beaucoup plus simple. Mais pour l'instant, on n'a pas de loi dessus et on a des petites avancées au fur et à mesure, et l'article renvoie un décret qui est censé favoriser la reconnaissance des maladies psychiques en maladies professionnelles. Et le décret prévoit notamment au stade de la procédure de reconnaissance la possibilité de faire appel à un médecin psychiatre, et également le comité pourra faire appel à un médecin spécialiste, notamment pour tout ce qui est question des maladies psychiques. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bye. Voilà, chères auditrices et auditeurs, vous avez vu, c'est précis. Cette personne nous a vraiment dit exactement quel chemin suivre, comment faire par rapport à la sécurité sociale, par rapport à les hauts papiers à faire. Donc, je dois préciser qu'il y aura de cette émission un podcast que vous pourrez retrouver sur ralentirpourvivre.org sous l'onglet activité et émission à contretemps. Et là, vous pourrez trouver en bas de la page, celle parce qu'il y en a déjà pas mal, hein, on en a une vingtaine là, oui, hein. Voire une trentaine, pas loin. Donc vous pourrez trouver le podcast là ou alors sur la page Facebook Ralentir pour vivre à Beau où vous pourrez retrouver le podcast également. Et tu, en plus tu parlais un petit peu des auditeurs tout à l'heure, hein, on fait quand même de très bonnes lectures en podcast, hein, plus de 1000 parfois, donc je pense que les gens sont sensibles au sujet. Après c'est parler de quelque chose qui fait peur, dont on n'a pas envie de parler, donc forcément les gens sont un petit peu frileux d'entendre des choses qu'ils ne veulent pas entendre parce qu'ils ont peur pour eux, ils ont peur de le voir, et puis, etc. On va le dire très franchement, c'est un sujet tabou. Oui, c'est un sujet tabou. C'est, alors, ma fille m'a dit l'autre jour, mais maman, tout le monde parle maintenant, j'ai un burn-out. J'ai dit oui, les gens disent, je suis en arrêt, j'ai un burn-out. Mais au-delà de ça, c'est le cas de le dire, les gens à qui ils les disent, ils tournent les yeux, ils vont voir ailleurs et puis ils ne parlent pas avec. Parce que c'est comme si tu avais un petit peu attrapé, on ne sait jamais si tu l'attrapes aussi, tu vois, la crève ou je ne sais pas quoi. Donc oui, c'est... C'est incompris en fait, je pense, tout c'est simplement, ça. C'est trop flou. C'est ça. Et puis, c'est un petit peu... La maladie qui, pour les gens, qui est, d'accord, il a un burn-out, on sait. Hein, on sait que, il a un job comme ci ou comme ça, ou bien il ne sait pas dire non, ou bien c'est une personne qui a des problèmes émotionnels. Oui. Ouais, je pense aussi. Alors, ça, c'est vraiment une vision peut-être hyper perso, mais qui a un petit peu, des fois, le sentiment de honte. Alors, moi, j'ai eu besoin dans ma vie de m'arrêter parce que c'était plus OK pour moi. Et en fait, il y a un peu ce sentiment de honte. Alors, des fois, on sait, on va revenir au boulot. Ah, bah, t'étais en arrêt, t'en avais marre. Moi, on peut rien te dire. Non, en fait, juste, c'est plus OK pour moi, quoi. Et en fait, à l'autre, il l'entend pas. Moi, c'est plus OK. Et il y a un peu... À mon sens, en tout cas pour ma part, ce que j'ai pu ressentir dans ces moments-là que je traversais en tant que personne, vraiment ce côté « Oh oui, t'es en arrêt, c'est facile, mais faut supporter les choses dans la vie. » Bah en fait, non. Et en tout cas pour ma part, moi c'est pour ça que je suis venue en woofing, c'était aussi pour arrêter d'être ce hamster dans la roue en pensant vraiment des fois t'es arrêté, heureusement on paye pour toi. Non, en fait, il vaut mieux quelqu'un qui s'arrête et qui est heureux après et qui va être hyper plus productif et qui va peut-être changer de voie, trouver son métier de cœur, etc., plutôt que quelqu'un qui va faire des arrêts sur 10 ans, alors 3 jours, 4 jours, machin. Non, il faut vraiment, les gens vont être heureux, mieux ça sera, quoi. Si on pouvait faire une parallèle, ce qu'il y a actuellement comme sensation par rapport au burn-out, qui n'est pas quelque chose dont on peut parler, t'es pas bien, on peut rien dire, t'as des problèmes avec ton mec, ou bien mais ta vie, elle n'est pas organisée, ou bien tu fais la fiesta, j'en sais rien quoi. On donne des jugements sur les personnes pour justifier quelque part leur burn-out. C'est théorie, oui. Mais ça ressemble au fait des agressions sexuelles qu'il y avait auprès des femmes dans les années 60. Parce que si vous regardez des vieux films, il y a des trucs qui se disaient à l'époque qu'on ne pourrait plus dire maintenant. Et je pense que le burn-out, il faudra bien 30, 40 ou 50 ans avant qu'on ne puisse plus dire ce genre d'insanité. Ah oui, mais de toute façon, elle s'engueule tout le temps avec son mec. Alors, je pense aussi, et encore une fois, là, c'est peut-être de la vie très perso, mais en fait, comme on est beaucoup à supporter des choses qu'on n'a pas envie de supporter, du coup, quand il y a quelqu'un, enfin, en tout cas, encore une fois, c'est comme ça que moi, je le perçois, qui se permet, entre guillemets, de s'arrêter, de prendre du temps pour lui et de se redécouvrir et de reposer ses limites, c'est un peu... Il y a un peu d'aigreur en disant « Ah bah oui, moi je l'ai pas fait et lui il ose. » C'est ça. Oui, en fait. Et c'est pas parce que moi j'ose le faire que toi tu peux pas le faire et que t'es pas légitime. Au contraire, moi je le fais, t'es pas content de ça, mais fais-le. Et on est loin d'être arrivé à un moment où les gens disent « Je suis en burn-out » et où les gens disent « Ah bon comment ça se passait au boulot ?» Juste pour dire. Eh ben, elle pourrait répondre « Écoute, de 1m50 de pile de papier à faire, je suis arrivé à 3m50. » Enfin, je caricature. Mais non, on peut pas dire ça. Parce que tout de suite, les gens vont dire... Moi, j'en entends beaucoup qui disent « Ah oui, mais de toute façon, dans sa vie privée... hein. » Et puis, elle sait pas dire non. Alors, ça, j'adore. Ça, j'adore. Elle sait pas dire non. Il y a un problème de fond et qui sent pas bon. Donc, c'est vrai que c'est un sujet tabou. Donc, Et la banalisation de ce terme « travail est dur ». Et que « travail » vient de « tripalium », qui est quand même la torture. Ben voilà. Soyons clairs, Donc, ayons des activités, ce sera plus bénéfique. Bon, chères auditrices et auditeurs, nous allons vous retrouver dans 15 jours pour clore notre épisode de 2025, premier semestre. La saison, quoi. Voilà, les saisons, saison 1. Et puis, on fera des rediffusions pendant juillet et août pour laisser un peu d'air quand même à notre responsable des programmes, Lia, un petit peu. Et puis voilà, si vous avez envie de témoigner, nous faire un petit coucou, beaucoup pour un petit peu partager avec vous sur ce que vous avez entendu, ce que vous avez vécu, etc. Ça sera avec grand plaisir. Vous pouvez nous contacter par mail, sur Facebook, de façon anonyme ou non. Vous pouvez nous contacter par téléphone aussi. Ça sera peut-être l'occasion, cette petite période estivale, c'est ça, d'échanger. Voilà, et je tiens à dire aussi que ce dimanche 8 à 17h, nous allons avoir le témoignage de Fatia pour un burn-out parental avec une explication qui suivra avec dans l'émission. Ouais. Donc, par rapport au burn-out parental, c'est intéressant quand même de le signaler parce que l'éducation est en burn-out, les parents sont en burn-out, les médecins sont en burn-out, les internes en médecine sont en burn-out, les enseignants. Enseignants, les agriculteurs et les RH. Mais qui reste-t-il qui n'est pas en épuisement? Dites-moi. Les bouffeurs. Je trouve que c'est une bonne vision. Bon, sur ce, on va vous dire au revoir, chères auditrices et auditeurs, et à tout bientôt. À bientôt. Au revoir, merci.